L'actualité à Nancy et ailleurs. La Filoche à Chaligny démarre sa nouvelle saison culturelle jusqu'à décembre, un cycle autour de l'utopie et de la dystopie qui propose spectacles, rencontres et animations pour tous les publics. Une invitation à réfléchir, échanger et rêver ensemble. Et pour nous en parler, eh bien nous accueillons Thomas Zix. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Mais avec plaisir, chargé de communication pour la communauté de communes Moselle et Madon. Dystopie, utopie et dystopie, expliquez-nous un peu qu'est-ce qui se cache derrière ces deux mots. Alors oui, on sait que c'est un cycle, une thématique qui peut être un peu difficile à comprendre. En fait, l'idée, c'était un peu de montrer, voilà, dans notre époque actuelle, qui est un peu tourmentée par des crises économiques, sociales, la guerre dans certains pays. L'idée, c'était un petit peu de voir les différents mondes que la culture pouvait nous offrir, donc les auteurs, les réalisateurs, la musique. Et c'est vrai qu'on oscille souvent entre un monde un peu fantasmé, donc l'utopie, et un monde un peu chaotique, assez noir, dictature, donc un peu la dystopie. Et c'est ce qu'on a essayé de voir dans cette programmation, un peu voilà, cette différence entre ces deux mondes qui parfois se rapprochent. On veut créer une utopie qui se transforme par exemple en dictature. Mais on garde espoir aussi dans cette thématique-là, dans ce cycle, en disant que voilà, la culture permet le vivre ensemble, permet un petit peu d'ouvrir voilà, le champ des possibles, et c'est ce qu'on va essayer de voir pendant ces trois mois. Voilà, c'est la particularité aussi de la Filoche de proposer des thématiques que vous allez décliner là aussi sous toutes ses formes, que ce soit atelier, jeux vidéo, spectacle. Beaucoup de choses qui a démarré donc le week-end du 13 septembre, ça a bien démarré ? Oui, très bien. On était partenaire du Livre sur la Place, donc du coup on a fait un grand week-end d'inauguration et de lancement de saison. On a eu une rencontre d'auteurs et après un spectacle tout l'après-midi pour les enfants. Donc le programme est chargé hein, jusque décembre, mais qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre en lumière ? Alors voilà, comme on commence toujours un peu le cycle avec des expositions, là on a une très belle exposition de photographie d'Urbex qui s'appelle I Love Your Home et qui a été faite par deux photographes lorrains, Darmé et Sébastien Corr. En fait, c'est des photos de bâtiments, parfois des industriels, des palais abandonnés, où on voit que l'homme s'efface petit à petit pour laisser la nature reprendre un petit peu sa place et reprendre possession des lieux. Donc ça, c'est une très belle exposition à voir tous les jours d'ouverture de la Filoche jusqu'à fin décembre. On peut continuer avec une petite sélection de spectacles. Alors, comme vous l'avez dit, on a énormément de spectacles d'animation jusqu'à fin décembre. Donc j'invite les auditeurs à aller voir sur notre site. Mais pour un peu mieux comprendre la thématique, on a le spectacle Séance Interdite. En fait, si je vous plonge un peu dans l'univers du spectacle, on est dans un monde rétro-futuriste où c'est les ordinateurs qui ont pris le contrôle de notre civilisation et qui ont interdit du jour au lendemain la musique. Et ce spectacle, en fait, est un concert électropop où on va avoir des projections 3D, un casque audio et aussi des comédiens. Et on va voir comment la civilisation reprend un peu sa liberté face aux machines et puis accepte la musique à nouveau. On a plusieurs thématiques comme ça. On a quelque chose d'un peu plus positif aussi sur une ex-prof de SVT. Le spectacle s'appelle « Si on s'aime, le paradis est ici », qui décide un petit peu de réenchanter son école, de réenchanter la ville autour d'elle en voulant créer des jardins, des potagers partout dans sa ville. Et c'est vraiment plus une réflexion sur l'écologie, sur l'agriculture citoyenne et urbaine. Ces deux exemples-là vous permettent aussi de comprendre notre cycle. Voilà, n'hésitez pas à aller voir tout le programme hein, sur le site de la Filoche, www.la-filoche.fr, bien entendu. Tout à fait. D'autres propositions, on a parlé d'expositions, on a parlé de spectacles, qu'est-ce que vous nous proposez d'autre ? Alors, on va aussi avoir beaucoup de rencontres, c'est ça l'idée aussi de notre cycle, c'est qu'on va à la rencontre, par exemple, des auteurs. On va avoir Yves Grevet, qui est un auteur assez prolixe de science-fiction, de romans de science-fiction. Il a par exemple fait U4, et il va venir à la rencontre des adhérents, même et des non-adhérents de la Filoche, pour nous parler voilà d'un peu de son travail. On va avoir pour les plus petits un atelier avec l'autrice Sarah Chevaux. C'est une autrice qui a gagné le prix Sorcière 2024 pour son livre Contine. Là, c'est vraiment pour les tout petits, pour montrer qu'il y a plusieurs choses pour tous les publics. C'est dès un an, donc il va avoir un atelier le 15 octobre sur la création d'un livre, la création de Contine. Elle va à la fois nous parler de son métier, de ses créations et nous apprendre nous-mêmes à créer notre propre livre pour les très petits. Pour les très petits, on ne leur parle pas d'utopie ou de dystopie, je pense qu'on aborde la thématique autrement. Voilà, c'est ça. En fait, on a aussi par exemple un café philo pour les très petits, mais on ne va pas frontalement sur la thématique. C'est une thématique qui est assez large et puis il y a bien sûr toujours dans notre cycle une partie qui est vraiment très axée sur la thématique et toute une autre partie qui est faite par nos trois espaces beaucoup plus larges qui est beaucoup plus libre. Voilà, j'espère qu'on a attisé votre curiosité, vous qui nous écoutez, pour aller découvrir toute la programmation très riche de la Filoche, qui s'accompagne à côté d'autres choses aussi. Il y a des jeux vidéo, il y a plein de choses. Plein de choses. Il y a une journée thématique le 13 décembre, où là, vraiment, on a tous les espaces. L'espace multimédia qui va faire une sélection de jeux vraiment un peu plus dans le style zombie. On va avoir un spectacle sur le vivre ensemble, vraiment sur comment on peut vivre ensemble dans un immeuble. Tout le spectacle se passe dans un immeuble. On va avoir des lectures. On va avoir aussi un quiz sur le climat. Mmh. Bah, c'est vraiment toute une journée. Je vous invite le 13 décembre à venir à cette journée. Voilà, ce sera un temps fort. www.la-filoche.fr pour tout retrouver. Tout ça nous amène jusqu'en décembre, jusqu'à la prochaine thématique. Voilà. C'est mystère encore ou pas? Ah, on peut le dire. Ça sera sur le Japon. Le Japon, parfait. Voilà. On va voyager grâce à vous alors. Exactement. Merci beaucoup Thomas. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.